À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le Comité national d'études des idées du Tutsi du Congo démocratique a inséré dans le homepage internet le test intégral de l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un, le grand président Kim Il-sung et l'éternel leader de notre parti et de notre peuple.